Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbee nous présentera sa chronique musicale rythmée Fitzbeat. On remplira nos têtes de connaissances avec les chroniques éducatives, c'est un fait. Et on partagera nos coups de cœur dans Tu manges mon cœur. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 4 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau. Et c'est la semaine de relâche, sauf pour nous autres. Sauf, c'est ça, exactement. Sauf pour nous autres. On va être quand même là avec vous toute la semaine pour vous présenter un paquet de contenus des plus intéressants, c'est sûr. Je te dirais que sur trois chroniqueurs par jour qu'on a d'habitude, là, on va en avoir un si ça donne comme ça. Des fois, 0.5. 0.5, oui. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va voir Simon Fitzbee avec sa chronique Fitzbeat. Et aujourd'hui, Simon va nous parler du nouvel album de Youth Lagoon. Et puis, il va nous présenter une pièce de Bombino, un guitariste africain qui lance son nouvel album bientôt. Bombino! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bombino, Bombino. Tequila! Ouais, tout est permis. Et voilà. Sinon, autour de ça, on va avoir quelques petites chroniques maison. Là. Entre autres, c'est un fait, comme on le fait d'habitude le lundi. On aura aussi Tu manges mon cœur. Je sais que t'as aussi un petit coup de cœur à nous présenter, je pense. On a toujours des choses qu'on aime, ça c'est... Hein? Sinon, la vie serait... Tequila! Tequila, pour parler de ça de même. Tequila, tequila pour me baisser le moral, la même. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, donc, c'est l'émission d'aujourd'hui et plein d'autres choses, évidemment. On va commencer en musique, par contre, avec une pièce qu'on joue seulement en début d'émission, une fois de temps en temps, parce qu'elle est tellement calme. Oh! C'est pour les snoozeux. C'est ça. C'est le retour de Jack Death. Voici le groupe Vidéoville. Sur C'est fou, 89.1. Je croyais que ton Dieu aimait pardonner, tant l'autre jouait toute cette merde. Tu veux mon plat dans la gueule? We'll be right back. Vidéoville avec le retour de Jack Death à Assemblage Rocky. C'est calme, c'est bon, j'aime bien. Ça bouge en même temps, c'est pas trop calme. C'est juste parfait. Juste parfait, le mélange. C'est vraiment le... un, deux. Attention. Voilà. Le réflexe était de replacer ma mouche correctement en tapant dessus, mais je réalise qu'on est en onde. le pattern du snoozer. C'était génial. C'est ça que je fais à mon cadran. Tu donnes une taloche. Ouais, teinte. Bon. Ah. Est-ce qu'on commence avec tu manges mon cœur parce que. Ah oui. Il a faim. Il a faim. Mange mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur, évidemment, des co-animateurs d'Assemblage Rocky. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça, là. Non. Évidemment, je laisse toujours l'autre personne qui n'est pas moi là, commencer, si tu en as envie. Sinon, c'est comme à l'impro, tu peux dire « commence, chose ». Commence. Comme tu veux. Écoute, je vais sauter dans la bande. OK. On saute pas dans la bande, hein. On saute par quand tu bandes. Ouais. Certains le disent. Oui, écoute, ce matin, je regarde la programmation d'Assemblage Rocky et que vois-je? Mange mon cœur. Oui, parce qu'évidemment, je ne serais pas versé à l'avance. Ben non, mais c'est comme ça que ça marche. Oui, oui. C'est l'instant présent. Ici, on vit l'instant présent. Donc, je regarde ça et puis je me dis, tout en sirotant mon café, oui. Me vois-tu venir? Ah, sirotant, t'aimes ça, saper quelque chose. Exactement. J'aime tout ce qui est noir. Oh! Raciste! Voilà, c'est dit. Black Panther. Et voilà. Et donc, je me dis, que ferais-je sans mon café? Donc, mon coup de cœur aujourd'hui, sans prendre de milliers de détours, est le café. Ah! Oh! Toi, es-tu un buveux de café, Mathieu? Tellement. Par contre, j'ai le problème que j'ai tout le temps un café en studio pendant l'émission et j'en bois même pas une seule goutte. Non, je sais, c'est très rare. À chaque fois que t'en bois, en fait, tu te lèves. Oui, oui. Et je me dis, qu'ai-je fait de mal? Tu t'en viens vers moi comme ça. Et puis finalement, c'est juste pour prendre du café. Bon, je snooze d'en face. Je suis heureux. Comme ça. C'est la chronique du snoozer. Oui, c'est ça. Justement, l'émission du matin s'appelait le snooze. Oui. Ah, je pense que toutes les radios commerciales, ça s'appelle le snooze à quelque part. Ah ouais? Plein d'émissions du matin qui s'appellent le snooze. Ah, j'ai jamais entendu ça. C'est là. Je l'écoute peut-être pas assez. Mmh. Ben, on pourrait commencer ça. Okay. Fait que je commence à parler. Je te tape d'en face. Tu me tapes d'en face, puis j'arrête. Parfait. Puis vendu. Puis 10 minutes plus tard, je continue ma chronique. Oh! 9 minutes. 9 minutes, oui. Ça, pour 41 plus, là, c'est 9 minutes. 9 minutes? Ah, OK. Mais je pensais que c'était 10. Non. Ça explique tellement d'affaires. Tellement. Oui. Oui. Donc, c'est ça, le café. Je me suis dit, je ne peux pas vivre sans mon café. Et puis là, je sais pas si tu es un fan de différents cafés. Oui. Tu as le café filtre, évidemment. Bon, tu as l'expresso. Et le bonhomme, si tu jouais. Oui, celui que tu appuies. Presse française, etc. Ouais. Ouais. Et puis, il y en a un que j'essaie de retrouver, puisque le nom, je voulais être certain de ce que c'était avant de m'avancer comme ça. Mais c'est un genre de percolateur. Ouais. On avait ça chez mes parents avant. Donc, c'est comme une bouilloire avec un tube cylindrique à l'intérieur. C'est quoi ça, un tube? C'est toi qui as mangé mon tube. Ça, c'est comme un long tunnel, okay. Mais rempli de Hugo. Ah ben oui! Ouais, pour les géants. Un pénis, donc. OK, c'est une blague. Oh, c'est fou, on a parlé de pénis dans ma chronique du ben café. Oui! Toutes donc, les raisons sont bonnes. Oh, ben oui, ça laisse la tremper. Oh, là, tu vas trop loin. Oh, excuse-moi. C'est un terme médical, moi. Moi j'ai aussi. Le droit. Ah. Tremper un biscotti. OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce qu'on essaie de remplir du temps, tu penses? Je pense que oui. Donc là, l'eau commence à bouillir et monte dans le tube. Et puis, il y a une deuxième bouilloire en haut avec café. Hein? Ouais. C'est vraiment cool. Écoute, ça a l'air cool, pour vrai. En fait, je crois que je l'ai encore. C'est une amie qui m'avait donné ça. C'est comme une cafetière, sauf que le liquide est comme aspiré par en haut, mais pas par un tube. Ça fait juste... Par la force centrifuge, je sais pas trop quoi, ça s'en va en haut dans un genre de cylindre, de cône, et puis ça se dompe après ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Est-ce que tu mettais ça sur le poêle? Non. Ah. Non, c'est électrique. C'est électrique? Ouais, c'est vraiment. Ah, ben, il en existe peut-être des électriques. C'est comme un genre de tourbillon de café là-dedans. Un tourbillon de café pour le matin. Uh-huh. Ah, je mettrais ma face là-dedans, c'était pas si chaud. Donc voilà, ben, c'est quoi tes genres de café, Mathieu, toi? Toi, est-ce que t'es du café Tim Hortons? Ben en ce moment, oui, je suis très café Tim Hortons. Parce que c'est des roules de rebord, dis-le. Non. les cafés de restaurant, je vais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, on a nos soirées d'Olinéa en même temps! Parenthèse, tellement, hein? On avait dit qu'on le ferait, puis oui. On a oublié. Ben là, on l'a fait aujourd'hui sans le savoir. Ah, voilà. Parce qu'on se parle jamais. Non, voilà. Donc, c'est ça. Non, les cafés de restaurant, c'est très rare. C'est plus la fin de semaine. Je te dirais que la semaine, présentement, on est sur du café Tim Hortons en canne. En général, oui, c'est pas mal du café, genre, mettons, Folger. Je trouve que c'est ma saveur préférée qui fait le moins de mal à mes tuyaux de... Pas de yogourt, là. De près. Le tube. Sinon, j'aime beaucoup les cafés à saveur particulière. J'aime les cappuccinos, mochaccino, toutes les affaires bien fancy. Pas les espressos, je trouve pas tant que ça. Ah. J'aime de l'espresso dans mes cafés. Mais non, je suis pas si fancy que ça. J'aimerais vraiment, un de mes rêves un jour serait d'avoir une bonne machine à café, vraiment, tu sais, fancy, tu sais, super cher, là, mm-hmm. avec du vrai café que tu moues toi-même. Mm-hmm. Mais en ce moment, je suis plus sur le bord cheap. Oh, hey, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël. Oh, chanceux. Je suis tellement content. Quelle sorte. Une machine espresso? Oui. Ah, ça a l'air le fun. Oui, c'est vraiment cool. Parce que tu peux mettre l'espresso après ça dans d'autres affaires. Oui. Ah, c'est cute. C'est cute. Voilà, fait que c'était ma chronique. Mange mon grain. Mange-moi le grain. Mange-moi le grain. Ouais. Donc, le café. Voilà. C'est merveilleux. Je vais revenir tantôt avec mon coup de cœur à moi, mais avant ça, on écoute Old Olaf, le café. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, le fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Des bons soirs, René. Prends mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné. Me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je les jette par la fenêtre, elle avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, vous avez l'heure s'il vous plaît. Je casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, hein, devinez. Papa, mon papa, anglais, je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, t'es de faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il m'a chialé. Je vais faire ma cuisine. Le café de Old Olaf. Ah, le reste, c'est le générique. Super. C'est super. Ah, que c'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Cette chanson-là et le vidéoclip, allez le voir sur YouTube. Old Olaf, O-L-D-E-L-A-F. Le café. Là, tu sais, je te parlais justement de la machine à café. Ouais. Que c'est comme un globe. Ouais. Deux globes, en fait, superposés. Dans ma chronique Mange mon cœur, je parlais du café. Et puis, j'ai trouvé comme une photo. Ça ressemble à ça. Ah oui, ben c'est à peu près ça, ça ressemble à ça. C'est vraiment, on dirait, une cafetière à l'endroit et une cafetière à l'envers, mais par-dessus. C'est ça. Et puis le café est aspiré par un tuyau, ça tourbillonne, ça se colle et puis ça splouche dedans. C'est ça. À splouche. Ça splouche. C'est le fun, c'est vraiment cute pour vrai. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, ça a l'air que ça fait du bon café. Je me souviens plus ce que ça goûte, ce café-là. Ben, c'est ça. Chaque machine produit un café qui goûte un petit peu différemment. Ouais, différent. À chaque saveur... son cafetière. Couleur café. Voilà. Donc voilà, c'est j'ai plus rien à dire sur le café. Vous savez tout. Merci Jean-Philippe, vous savez tout sur le café. Voilà. Je continue toujours dans Tu manges mon cœur. On l'a dit, c'est la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Rocky. Et moi, je veux te faire entendre un nouvel extrait des Yeah Yeah Yeahs. Ah ouais. Ah que ça donne bon. Ah ouais, c'est bon. Sacrilege sur l'album Mosquito qui sort le 16 avril prochain. On s'en va entendre tout de suite, tiens. La pièce Sacrilege à Assemblage Rocky sur C'est fou. Sacrilege! Outre! Sacrilege de la formation Yeah Yeah Yeahs, le premier extrait de leur nouvel album Mosquito. Encore une fois, ça sort le 16 avril prochain. J'ai très très hâte d'entendre les autres pièces. C'est là évidemment une grosse chorale dessus. Là. L'album au complet sera pas avec une chorale quand même. C'est leur quatrième album complet. Et vous pouvez aller entendre l'extrait sur assemblagerequis.com. Moi, j'ai aimé ça. Moi aussi, vraiment, j'ai très, très, très, très, très hâte. Surtout que chaque album de Yeah Yeah Yeahs passe par notre palmarès. Au moins une pièce, sinon 15. Dépendant combien il y en a sur l'album. Ouais, c'est ça. Évidemment. Il n'y en a pas 10? Non, je sais pas. Là, je fais une petite blague là, déstabilisante comme ça. Bang, le matin. J'imagine qu'ils vont sortir un vidéoclip plus précis sur cette pièce-là que juste voir un galon. En fait, on dirait un pot de confiture en feu. C'est pas mal tout ce qui se passe le long du clip, donc. C'était Tu manges mon cœur, nos coups de cœur pour la semaine, pour le moment, en tout cas. C'est ça qu'on aime là. Oui. Right now. Le café en écoutant Yeah Yeah Yeah. Ah, pour vrai. T'es en forme quand t'écoutes du Yeah Yeah Yeah et que tu bois du café. Mm-hmm. Tout fonctionne. Je pense qu'on a une expérience optimale ici. Encore une fois, tout ligné sur assemblagerocky.com. Dans quelques minutes, on reçoit Simon Fitzbé, sa chronique Fitzbeat. Mais avant ça, ça plouche, ça plouche. Ça plouche, ça plouche. On écoute Tire le Coyote, voici Chainsaw. Je parle Chainsaw. Ouais, puis on peut penser chacun à quelqu'un qu'on voudrait trancher la tête. Voilà. Je crois qu'il y a des blagues qu'on pourrait faire à ce moment-là. Je sais pas si t'as vu comme mes. Je me suis retenu. Une personne en particulier. Voilà. Tu sais piloter mon grand navire. Je suis un homme PDG de mon avenir. Pour mieux saisir ton noyau et ses fruits, j'habillerai ton cœur d'un bikini. Quand l'amour s'en vainqueur, il faut faire du bruit. Je crains ma chanson pour tailler les mots que je veux t'offrir. Je crains ma chanson pour gonfler les cours de notre empire. Retour de la chronique de Simon Fitzbé, Fitzbeat, Assemblage Rocky. Moi, je dirais, tu sais, si j'avais une suggestion à faire, une seule, en temps, mettons, si j'étais juge de l'émission, je dirais rester à l'écoute. Voilà. Voilà, c'est dit. Mm-hmm. Savoir si les gens vont suivre les ordres. Ça, c'est aussi, ils disent ça dans les groupes de soutien. Rester à l'écoute. Tel jeune, mettons. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. Fiddler et la pièce No Waves à Assemblage Requis. Il est 7h33. Simon Fitzbeat s'en revient dans quelques secondes avec sa chronique Fitzbeat. Mais avant ça, on retourne de genre musique. Hein. Aujourd'hui, musique. Parlez pour rien dire, musique. Voici Aline et deux hirondelles. parlez pour rien dire. Aline, les deux hirondelles à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Yeah! Et Mathieu Plante. Yeah! Oh, yeah! Je suis comme le groupie, là, qui est groupie. Groupie? Hey, qui est groupie? J'ai de découvrir quelque chose. Oui. Toi, là, ouais. T'as-tu CA Québec? Non, j'ai pas ça. Moi non plus. J'ai pas ça. Ah. Ça a l'air que je viens de voir ça passer sur les Facebook. Ouais, je t'écoute. Il y a une assistance vélo. Non. Ouais, tu peux les appeler pour ajuster ta selle. Hein? Il devrait nous rendre visite aux toilettes de l'UQTR. Parce que ça sent le caca. Ça sent comme caca, mais avec deux A chaque fois. C'est caca. C'est mature comme blague, je trouve. Oui, c'est parfait. Ouais, vraiment, on n'aurait pas pu mieux tomber. Ça. Je mangerais bien des céréales en forme de petite crotte. Oh. Quoi ça s'appelle donc? Les Nestlé? Les Nesquik? Nestlé Nesquik? Oui. Pour vrai, hein? C'est bon, ça. Aux États-Unis, on les Count Chocula. Ici, on a les Reese's Cereals Pieces. C'est vrai? Oui. C'est bon. Au beurre de peanuts, ils sont vraiment 40, hein? Chocolat beurre de peanuts. Au beurre de pie? Beurre de pie. Beurre de pie. Mm-hmm. Beurre de pie, là. Si tu veux dire beurre de peanuts, ouais. Ça peut être mal interprété. J'avoue. Peanuts. Beurre de pie. Ouais. Beurre de pie. Du pie. Oui. Puis en plus, le pie, c'est de là que provient le lait. Le lait. Puis c'est avec du lait qu'ils font le beurre. Fait que. Puis c'est avec le beurre qu'on fait l'argent. Oui, et l'argent. Et le beurre et l'argent du beurre. Et en parlant de pie, okay. Ça a l'air que ça se mange. Mais j'ai vraiment pas le goût d'essayer. Ah! Ah! Moi qui était pas sûr de vouloir revenir parce qu'on n'avait rien à dire, finalement. On a tellement de choses. Écoute, moi, je peux partir. On est parti de petites crottes qui ressemblent à des céréales. Oui. On a parlé de céréales. Après ça, on a parlé de beurre de peanut. Uh-huh. De pie de vache. Oui. De beurre et d'argent du beurre. Mm-hmm. Allons-y dans les expressions connues. OK, parfait. Puis avec de la masse pas mousse, hein? Oui, mais on pourrait en inventer une avec le mot pie. OK. Ça va de mal en pis. Ça va. Ouais. Mais ça existe déjà. Déjà, ouais. C'est bon. Moi, je pourrais rétorquer avec. Ne mange pas un pis qui le veut bien. OK. Puis ça pourrait vouloir dire que c'est pas tout le monde qui peut manger un pis. Ça. Mm-hmm. Uh-huh. Un tien vaut mieux que deux. Que deux pis. Que deux pis. Que deux pis. Mon pis vaut mieux que deux pis. Mon père est plus fort que le tien. Ouais, pis. Ouais, ouais, okay. Pis. On s'en va entendre trembler. C'est mieux. Et la pièce comme en Californie. Je vais essayer de me rattraper. Ouais. M'excuse. Non, le malaise va continuer. Ouais, aussi, ça va rester, hein. Ça va rester en onde. Mm-hmm. Pis, ta fin de semaine? Poppy! Poppy! Hush Poppy? Oui, slush Poppy! Slush Poppy! D'asphalte plus loin que l'horizon. Des motels chic, des coups de soleil, puis pas de question. À l'ouest la mer, à l'est la terre, nord, sud, pays, désert. Le rêve américain se vit comme si c'était le mien. Comme en Californie, la radio crée chanteuse est à San Diego à Yuma. Le jour réchauffe les nuits de Vegas à LA. Moi je brûle des Malbos, je prends des photos sur le bord du highway. Le rêve américain s'achète pour presque rien. Chaque ciel, chaque ciel brille ici. Chaque ciel brille ici. La West Vibe, les belles vagues, la West Coast. dans cette mer. Les cactus sautent 15 pieds, y'a des forêts de palmiers. Et comment Californie? Ah oui. Jean-Philippe, tantôt, tu t'es un petit peu mis dans le pétrin avec tes blagues de pie, non? Je me suis mis dans le pitrin. Dans le pitrin? Très bon. Très oui, bon. Monsieur. Tu voulais t'en sortir, essayer de te de compenser écoute, pour? Je suis pas sûr que je vais m'en sortir, okay. Mais j'ai toute une anecdote pour toi. J'ai hâte. On a parlé de beurre. Oui. Bon, ça n'a aucun rapport avec mon sujet. OK. En fait, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée à ma maman. Ma maman a déjà travaillé. Elle a déjà travaillé dans un hôpital. Et puis, elle s'occupe. Hôpital. Hôpital. Oh! C'était ça ma joke. Ouais. Voilà. C'est fini, là. Non, mais je dis joke, mais c'est vraiment une anecdote réelle. Donc, je peux pas croire que. En tout cas, j'espère qu'elle m'écoute pas. Fait que là, elle a travaillé dans un hôpital dans le département des prématurés, ceux qui naissent trop tôt. Oui. Ouais, donc, voilà. Suite à, en fait, un accouchement miracle de prématuré, la maman est venue pour remercier ma mère pour son travail. Et puis, il a offert du sucre à la crème, tu sais, c'est quand même gentil. Oui, ben oui. Sauf que, il y avait un détail dans ce sucre à la crème-là, c'est qu'il était fait avec son lait. Maternel. Oui. Fait qu'elle a offert ça en cadeau. Ah! Tout. T'aimerais-tu ça? C'est dur à dire, hein, parce que j'ai jamais essayé. Mais je sais pas, il y en a qui aiment bien ça, hein, apparemment. Mm-hmm. Mais t'aimerais-tu ça recevoir ça en cadeau d'une inconnue? Ben, je sais pas. Non, si tu connais pas la personne, puis que tu sais pas s'il est assez. Là, tu sais, tu peux sortir la fameuse phrase, c'est tant que ça reste dans la famille. Sauf que ça encore, c'est spécial. Ouais. Fait que c'est ma pièce. Inconfortable. Ouais, ma pièce inconfortable, réconfortante. Mm. Moi, je pense pas que j'aurais. Je sais pas. Non. Tu aurais fait semblant, t'aurais fait comme ah, merci, c'est super gentil, puis tu l'aurais jeté, quoi. Ingrat. Ben, je sais pas, là. Serais-tu vraiment à l'aise de manger ça? Tu sais, je m'imagine juste comme la face que je fais, puis elle qui insiste du regard, comme tu veux pas y goûter? Goûter, ouais, non. Non, ça, si c'est ta copine, ta femme, c'est n'importe quoi, dans bon, ta famille. Peut-être, oui. Mais d'un inconnu, je sais pas. Non, peut-être pas. Mm-hmm. Peut-être que je suis vraiment fermé d'esprit comme toi. Non, mais c'est parce qu'il y a tout un procédé. Là, ouais, ouais. C'est pas juste. Le lait, il est pas arrivé là de même. Non. Il a fallu qu'il y ait un procédé d'extraction. Ouais. Puis. Ouais. Moi, ça me. Testing. À deux. C'est ça. Merci Jean-Philippe, c'est une belle. effective. Ouais. Belle pièce. Ouais. Je pensais qu'elle serait plus punchée que ça, mais c'est, voilà. Non, mais tu sais, aujourd'hui, c'est la journée des malaises, on l'a dit depuis le début de l'émission. On a créé qu'il y a des malaises. Oui. On fait ça, c'est notre journée malaise. On a un chroniqueur par jour qui vient peut-être essayer de, d'obtempérer ouais. pour faire du contenu que de l'allure. T'sais. Ouais, pour essayer de nous ramener dans le droit chemin. C'est ça. Pour l'instant, par contre, ben, avant de passer à Simon Fitzbé, comme on l'a dit tantôt, on a Rara à écouter avec une pièce qui s'appelle Pretty Girl, puis on vient, puis après ça, ça va être Simon Fitzbé. Je vais essayer de pas faire un malaise là-dessus. Comme un vrai malaise. J'ai mal au bras gauche. Cut your neck if you get too near. When the chips start falling, I'll stay here. Rara et Prairie Girl sur l'album The Poet's Dead à Assemblage Requis. Hey, maudit, hein? Rara! Ça a sorti plus, plus fort que je pensais. Je suis le roi de la jungle. Tu reparlais de sein encore, puis de lait qui. C'est qu'à crème. C'est qu'à crème? Donc, toujours Assemblage Requis, il est 7h50. Et maintenant, ben, c'est Simon Fitzbé qui est là. En personne, en direct, en studio. Ici. C'est la chronique Fitzbeat. Bon matin, Simon Fitzbé. Bon matin, messieurs. Yeah. Rock on. Bitches. Voilà. Ça va bien. Oui, ça va bien. Tu ramènes de la classe un petit peu après nos, nos affaires. Complètement nos subterfuges insolites. Ben, ça fonctionne. Hein. Moi, je m'en venais en voiture, je vous entendais, j'étais mal à l'aise. Cool, c'est ce qu'on voulait. J'espère que les gens apprécient les malaises à la maison, hein, parce que si vous voulez pas, si vous voulez des affaires plates pis, tu sais, qui flattent dans le sens du poil, ben... C'est pas nécessairement assez fou qu'on va le trouver. Hein? Un malaise n'attend pas l'autre. Oui, vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Donc, ouais. Aujourd'hui, on parle encore une fois de nouveautés musicales. C'est ta chronique Fitzbeat. Bien sûr. Oui. C'est ça à quoi on s'attend de ta part. Ben, je vais faire de mon possible pour vous présenter justement un album qui sort demain. C'est Youth Lagoon avec l'album Run Russ Bug House qui, paraît, c'est le deuxième opus de j'allais dire la formation, mais en fait, Youth Lagoon, c'est Trevor Parker Powers tout seul. Qui nous offre cet album-là. Franchement, plus ensoleillé que son premier album qui s'appelait Year of Hibernation. Il était plus dreamy et un peu froid avec le titre, Hibernation, mm-hmm. passe l'hiver à hiberner. C'est un album qui est parfait pour nous sortir des blues de l'hiver. Il s'agit d'un disque électropop psychédélique rempli de synthé, de guitare overdubbing qu'on appelle, là, qu'on réenregistre et qu'on délaie. Okay. Fort intéressant. C'est la marque de commerce, en fait, de Youth Lagoon. On a l'impression de naviguer entre nos temps modernes et la musique psychédélique des années 60 en passant par l'expérimentation électronique des années 1970. C'est un voyage entre la pop vert d'oreille, si on veut, avec la petite mélodie, vraiment le fun, et puis l'expérimentation un peu plus difficile à digérer. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de cet album-là. Il utilise un peu moins d'écho et de reverb sur cet album-là, et un peu plus d'instruments aussi. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai bien aimé. Sur ce disque que les gens risquent d'apprécier aussi. C'est un album qui est rayonnant, complexe et bien réalisé. Powers nous fait rêver avec ses sons, mais aussi fait preuve d'une plus grande majorité, d'une plus grande maturité, voilà. Je cherchais le mot. Majorité, il est majeur depuis quelques temps. On pourrait attribuer ça au fait qu'il y a eu un vrai studio cette fois-là, parce que le premier album a été réalisé genre dans son sous-sol, dans son grenier. Mmh. Ouais, c'était un peu spécial. Et il a travaillé avec Ben Allen, qui, lui, a travaillé et a produit les albums d'Animal Collective. Animal Collective. Entre autres. C'est bon aussi. Ouais, c'est très bon et très éclectique. Ce qui apparaît aussi sur l'album, d'une pièce à l'autre, des fois, il y a des changements, des switches assez spéciaux. C'est un album qui me touche, carrément. Ça vient me chercher. Écoute, je suis plein d'émotions. Pis... Non. C'est mon essai au malaise. OK, bon. J'ai essayé de faire ça. On amène tout le monde dans le vice. Donc, c'est un album qui réunit les sonorités, des belles sonorités, une richesse aussi qu'on retrouve pas nécessairement chez d'autres albums. Genre d'album qui est une œuvre d'art en soi. Et je vous le recommande chaudement. Donc, moi, je l'écouterai encore et encore et encore. Et ça paraît demain. On va aller entendre la pièce Attic Doctor. White Lagoon. La pièce s'appelle Attic Doctor et l'album, lui, se nomme Wondrous Bug House. Vous pouvez le retrouver chez tous vos bons disquaires ainsi qu'en ligne. Généralement, les gens achètent plus en ligne de nos jours. C'est rendu ça, hein? Sinon, mais en magasin, il faut le commander tout le temps parce que c'est jamais là. Ouais, c'est un des autres problèmes. Tu penserais que, tu sais, vu qu'il y a moins de magasins qui vont essayer d'offrir une plus grande variété, mais finalement, non, ils mettent juste plus de livres. Ben c'est ça le problème. T'sais, les gens qui visitent des magasins de disques sont des mélomanes, et les mélomanes veulent pas nécessairement ce qui est mainstream. T'sais. Exactement. Mais ils vont avec le mainstream parce que c'est ce qui attire les gens. La roue là, fonctionne moins bien. Tu veux pas nécessairement t'encombrer d'albums que tu vendras pas. C'est sûr. Mais il y en a qui prennent preneur. Vous pouvez le commander, justement. Il est disponible en précommande, puisque l'album sort le 5 mars. Faiblement. Et demain, dans notre diffusion originale, si on passe un meilleur moment, ça m'étonnerait. Oui, je pense que cette semaine, on va te mettre des meilleurs moments. Il n'y a rien cette semaine. pas qu'il faut qu'il n'y ait rien pour que tu passes des meilleurs moments. C'est pour ça. Attends un peu, je vais m'en ressortir. D'habitude, on met moins les chroniques qui sont seulement musicales, on met plus les chroniques plus par d'habitude par les meilleurs moments. Oui, non, je comprends. Ouais. Bref, t'es bon, Simon. Ouais. OK? T'es bon. Il nous reste une autre nouvelle sortie, en fait, à discuter. Oui, en effet. Un autre album qui va paraître cette fois-ci en avril, mais j'ai pensé que ça serait intéressant en fait de vous présenter une pièce de cet artiste-là, Bambino, qui est un guitariste touareg qui en est pas à ses premières armes. Là, ça va être son troisième album qui va paraître. C'est un son franchement intéressant. C'est une pièce qui, comme son œuvre, est facilement associable à ses origines africaines. Le rythme, les chaleurs également qu'on retrouve là-dedans. C'est un très bon guitariste qui a une technique remarquable, une approche vraiment de la guitare qui est variée, qui est quelque chose de complètement différent de ce qu'on entend généralement. Ce qui nous dépayse. Qui nous fait voyager, tout simplement. Une vue imprenable. Impossible à prendre. Non, en effet. C'est impossible. Incroyable. Son prochain album sort au mois d'avril, comme je l'ai dit. C'est produit par Dan Auerbach des Black Keys. Ça va s'appeler Nomade. Et voici donc la pièce Amédine. Pendant qu'on parlait en mal des Mac, bon, là, c'est normal. Là. Même les grands fans de Mac, comme nous, en tout cas, moi, je me considère un fan de Mac. J'aime, comme tu disais, l'interface et tout, tout, tout. Mais il y a des problèmes, des fois. Ouais, il y a moyen, d'être capable d'émettre des critiques. Exact. Tout n'est pas noir ou blanc. Non, exactement. Tout n'est pas noir et blanc. Et on écoutait justement la pièce Amélie. Je trouve parce qu'il est noir, c'est ça? Non, il n'est pas noir. En fait, il est d'origine, je dirais, maghrébine. Il y a plus, je pense qu'il vient d'une tribu africaine, mais de descendance arabe. OK, parfait, donc, cool. Donc c'est Bambino. Bambino, et la pièce, c'est Amidininin. Voilà. C'est ça. Ça va paraître sur son album Nomade qui sort, je pense que c'est en début avril, mais je suis pas certain parce que c'est quand même dans longtemps, donc on verra. Et c'est produit par un gars des Black Keys. Ça sonne un peu Black Keys, mais à ce qui paraît, non, c'est son n'est pas nécessairement altéré par Dan Auerbach. Mais c'est juste que le gars des Black Keys a choisi quelqu'un qui sonnait un petit peu dans le style qu'il aime écouter. Exactement. Et donc, pareil, c'est un gars à voir en show. Donc, s'il vient à Montréal, peut-être au Festival Nuit d'Afrique cette année, quelque chose comme ça, allez le voir. Il va venir chez Stratos, Bambino. Forme Bambino. Comme ça, il va pouvoir dîner. À midi. Moi, je suis ému. Là. Moi aussi, ça me touche. Ça paraît. Ouais. Merci, Simon. Merci à vous. Sur ce merveilleux malaise qu'on aime aujourd'hui, c'est la semaine des malaises, on l'a dit. Oui. Puis t'as-tu vu, Simon, on a le même chandail, mais pas pareil. Jean-Philippe et moi, chandail de Linéa. Oui. Comme c'est bon, hein? C'est plus subtil. Chandail, c'est cute, hein? Ben c'est arrivé comme ça. Comme les filles qui se parlent pas avant, mais qui sont toutes les deux habillées en bleu poudre ou en rose. Fait que là, dès qu'on va partir en musique, je vais sortir avec toi, Simon, puis on va parler dans le dos à Mathieu, parce qu'il m'a pas appelé, puis il est habillé pareil. On te retrouve la semaine prochaine, c'est lundi à 7h30. Et puis évidemment, t'as toutes tes émissions. Mais en fait, ton émission, principalement, c'est l'album classique le vendredi matin à 10h. Oui. On écoute un album vinyle d'un bord à l'autre en virant pendant la pause. Ouais, exactement. J'ai besoin de la pause pour le virer. C'est ça. Ne nous enlevez pas nos publicités. Et puis après ça, à 11h, c'est dans Rock Classique, les éphémérides du rock. En effet, de 11h à... On me dit jusqu'à 1h l'année passée. 1h! La semaine passée. Ben, 1h moins 2. Non, mais tu sais, on a beaucoup de jazzettes. Ben ouais. Non, mais c'est bon, écoutez, c'est le fun. Ça paraît que vous aimez ça et puis vous complétez bien. Puis le petit combat de qui connaît plus d'affaires. Et... ben le fun. Donc, Simon Fédibé, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on continue. En fait, on prend une petite pause avant de continuer. Après la pause, il y aura C'est un fait à la chronique. Il y a des choses véridiques, véritables et vérifiables. Qu'en dis-tu? Oh, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. J'ai des sons. T'as des sons de malaise. Des sons de malaise. Oui, c'est parce que je pars même pas le thème. Attends un petit peu. Avant le malaise, il faut en créer un. Faut créer un malaise en ne trouvant pas les sons, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu long. Le rendu, le mot change pas. Ça échec total! C'est la fin de la première heure tout à l'heure. C'est un fait. Et aussi, c'était gratuit. Ben, ça valait pas grand chose, hein. On fera aussi sûrement une autre chronique. Je vais peut-être te préparer un petit son foutu palmarès. Ça va être bon, ça. Dans la deuxième heure de cette émission freestyle qu'on appelle l'assemblage requis en semaine de relâche. C'est un coup de gang. Ah, wow! Ah! Pas sûr, pas en tout de ce coup-là, moi. Non, moi non plus. Pour l'écouter, c'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour, c'est toujours le Festival du malaise, assemblage requis en ce lundi 4 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ah. Et comme on n'a pas beaucoup de gens en studio avec nous cette semaine, disons qu'on va se garnir là, d'humour là, qui laisse fortement désirer. Mais qui, somme toute, fait du bien à l'intérieur. Puis on va vous faire jouer des tout à l'heure, c'est un fait, ça en vient. On va parler de plein de choses qui vont être super intéressantes. Là. C'est pas parce qu'on a des malaises et qu'on niaise un petit peu qu'on n'aura pas du contenu qui a de l'allure. Là. Guess, mon Fitbit, elle est tantôt, puis on a aimé ça. T'sais. Oui, puis on a parlé de sucre à la crème, beurre, ouais. On a parlé de pi. Tiens, ouais, pi. Ouais, hein? 3.1416. pour l'instant, on écoute Gros Méné, voici Saint-Pim, non Saint-Prime. Saint-Pi. Running gag de tantôt, hein, ça? Ouais. Je veux pas qu'elle finisse, ce gag-là. Non. Je veux pas qu'il finisse. Sans commentaire, tu l'as presque eu. Il me semble que le micro doit être encore ouvert. Ben trop magané, on va aller se coucher tout de suite. Ma tête m'aurait trop tourné, je commence à avoir de bêtes. Ouais, t'as les dents de curé, on a des kills à veiller. On a vu l'homme, on a vu lourd. On est rappé, on verrait de ça haut. On est rappé, on verrait de ça haut. La clôture qui s'envole, le gazon qui s'arrache, et qui court les gros sauvages. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. Roméné, Saint-Prime, assemblage requis. Maintenant, ben, on va apprendre des affaires, hein, d'un coup sec de même. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On fait tous ensemble les 3V là, en mettant le chiffre 4 devant la tête. Ça fait 3V. Véridique, véritable, vérifiable. Oh! C'est beau, hein? Ça peut faire un W aussi avec un kiss. Aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les mains. C'est comme des signes de gang, là. West Alex to the Z exhibit, là. Ouais. Pimp mon char! Prut, prut. Donc, J'ai eu une montée de François-Olivier. Ouais. Moi, ça a plus l'air de quelque chose qui revenait dans ma bouche. Les lumières qui clignotent sur une... Tu sais, les insectes qui ont une petite lumière dedans, comment on appelle ça déjà? Les bestioles. Les bestioles, bien sûr. les lucioles. Les bestioles, c'est de la bestialité, ça vient de là. C'est quand tu penses à des lucioles. C'est quand t'as les feux... T'as le feu au cul. Le feu de l'amour. Le feu. Donc, les lumières qui clignotent sur les lucioles sont causées par la bioluminescence, qui est une réaction chimique qui produit de la lumière, mais pas de la chaleur. Ça produit pas de chaleur, ça produit juste de la lumière. C'est comme des LED. C'est comme des LED. À la place d'avoir des LED dans ta TV, tu peux avoir des lucioles. Des lucioles. T'as pas pensé à ça, je suis sûr. C'est très éco-énergétique. Contrairement à la plupart des autres baleines, le beluga a un cou flexible qui lui permet de tourner sa tête dans toutes les directions, 360 degrés. Pas pire, hein? Beluga. Fait que fais un jeu de mots avec Beluga, ça. Quel est le nom de cette belle inconnue? Le Beluga. C'est le Beluga. Ben, le Beluga, il peut belugarder par où ce qu'il veut. Il peut belugarder. Garder. Il garde par là-bas. Ouais. OK. Ensuite, il y a un papillon qu'on trouve au Brésil qui a l'odeur et la couleur du chocolat. Ah oui? Au Brésil. Kim! Il pourrait goûter les noix comme les Brazil Nuts, là. C'est noix du Brésil. Mais non, non, c'est l'odeur et la couleur du chocolat. Le plus long insecte du monde, le plus long bestiole insectoïde du monde est le Farnacia ceratipes en Indonésie. Les femelles peuvent se rendre jusqu'à 13 pouces de longueur. Imagine un insecte de 13 pouces! Ouais. 13 pouces, 5,25$ sûrement. C'est un peu plus cher qu'à 5$. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Le Farnacia ceratipes d'Indonésie. Fais un jeu de mots avec ça. En tout cas, je sais pas, si mettons tu vas dans un restaurant de sous-marin puis qu'il te donne un 13 pouces au lieu de 12 pouces, tu vas pouvoir lui donner du ceratipes. Ah oui. Ouais, c'est ce que je pouvais faire avec ça, je trouve. C'était le meilleur, oui. Bon point de départ. Ouais. Après que les Chinois aient gagné, en fait, l'équipe des femmes a gagné l'or aux Olympiques de Beijing. Beijing, on a découvert que deux des filles dans l'équipe avaient moins de 14 ans. J'ai eu peur de ce que t'allais dire. Deux des filles avaient dû être dans l'équipe de garçons. Oh, come on. Mais ça aurait pu, là. Ça aurait pu. Bon, on sait. Les premières parties du jeu de lacrosse. C'est la crosse, là, on dit pas juste c'est pas la crosse, c'est de la crosse, ça va ensemble, c'est un ensemble de mots. Donc, ça se passait sur un terrain qui avait plusieurs milles de longueur. Et il y avait au-dessus de 1000 participants, jusqu'à 1000 participants qui pouvaient jouer à cette partie de la crosse au tout début de l'histoire de la crosse. Et ben, maintenant, de la crosse avec 1000 personnes, un gangbang pas mal! Ouais. La crosse, c'est d'ailleurs le jeu qui prend le plus de place, en fait, qui grandit le plus vite dans les écoles secondaires et les collèges aux États-Unis. C'est un sport qui est en croissance là, assez fulgurante. C'est un sport pubère. C'est ça. ça me surprend pas pour les collèges, je pense. Le sport de lacrosse veut dire l'équipe du bishop. Bishop, c'est quoi? C'est l'affaire religieuse. Là. J'ai pas cherché mon terme. Excuse-moi, j'aurais dû faire ma recherche. Là. Bishop, attends un peu. Bishop. Ben, il y a l'université Bishop. Il y a un jeu aussi qui s'appelle BioShock. C'est l'évêque. Oui, BioShock. C'est très bon. Donc, c'est l'évêque, Bishop l'évêque. Donc, le sport de la crosse, ça veut dire The Bishop Staff, donc l'équipe de l'évêque. Et c'était joué par des. C'était nommé par des Canadiens français à cause du bâton avec lequel on jouait. Le bâton, je sais pas s'il était en forme de croix, la croix, l'évêque, tu sais, religieux. J'imagine que c'était pas en forme de croix, mais il représentait peut-être la croix, quelque chose. Bref, il y a plein de détails, là, mais l'idée de cet effet, c'est d'aller avec des petites affaires là, qu'on veut. Rapido presto. On veut pas de détails. Parlant de pas de détails du tout, le Hacky-Sack a été créé pour aider un ami après avoir eu une blessure à la jambe. Il voulait réhabiliter sa jambe. Ah! Oh. Et que le hacky. C'est la première fois, en fait, que j'entends le terme hacky-sack. Ah, au Québec, on dit juste du hacky. Ouais. Ou il n'y a pas un autre mot avec ça? La petite balle, il y a un autre mot que les gens utilisent au lieu du hacky. Hein. Je me rappelle pas c'est quoi. La balle à pied. En tout cas, bref. Je sais pas. C'est hacky, ça? Bah. Pour les 50 premières années de la pourquoi répondre à ça? Ouais, trop facile. Pour les 50 premières années de la LNH, chaque aréna n'avait qu'un seul penalty box, une boîte de penalty. Là. Je traduis littéralement, même si c'est absolument sûrement pas ça. Ce qui voulait dire que les joueurs des deux équipes devaient s'asseoir ensemble dans la penalty box. Ça crée des frictions. Oh! T'sais, pendant les 50 premières années, c'est quand même long. Rosie Ruiz, d'accord, a le record mondial chez les femmes du marathon de Boston en 1980. Comment est-ce qu'elle a eu ce record-là? C'est qu'elle a quitté la course, elle a pris le métro et puis elle a couru son dernier mile. Mensonge! Ah, Rosie Ruiz! C'est pas acceptable du tout, ça! Non. Amazon, le site Amazon.com, a un brevet pour les clics. Tu sais, l'achat en un seul clic, tu peux sur Amazon, si tu paramètres ça comme il faut, tu peux cliquer une seule fois sur un bouton et ça va l'acheter et te l'envoyer avec les paramètres que tu veux, genre Shipping Express, à ton adresse, avec ta carte de crédit, toute cette affaire-là. Donc, pas besoin de confirmer rien. Exactement, c'est un clic. Apple peut aussi acheter en un clic, mais eux l'ont fait après Amazon et Amazon a le brevet, donc Apple doit payer un frais à chaque fois. Pas pire? Ouais. Bonne idée. J'adore ça. Un couple sur cinq là, en général et trois couples. Il sort ses doigts pour être sûr de bien savoir. Donc, un couple sur cinq et ça, c'est des couples en général et trois couples gays sur cinq se sont rencontrés en ligne. Oh! Tu sais, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu connais des gens qui se rencontrent en ligne dans ta vie, qui se sont rencontrés en ligne? C'est pas mon cas, mais je connais beaucoup de gens qui se sont rencontrés en ligne. C'était la mode, je crois. Puis des parents de mes amis aussi. Ah, pour vrai? Des personnes un petit peu plus pas de notre âge. Mais non, c'est ça. Ce qui est fait intéressant, c'est un fait. Tant mieux. Voilà. Ronald Wayne, la personne qui a fait le design du logo d'Apple, a vendu sa part en bourse qui était 10% d'Apple. 10% d'Apple pour $800 après deux semaines de travail chez Apple parce qu'il pensait que la cote en bourse d'Apple était trop risquée. Trop risquée! Hey, 10%, t'imagines-tu là? Combien c'est de millions et de millions que ça peut valoir? Et lui, c'est sûr qu'il songe les doigts. Ouais. On reste en technologie maintenant. Le format propriétaire de la Nintendo GameCube, tu te rappelles, c'est des petits disques. Oui. Tout petit disque, ça tenait 1,5 gigaoctets de données, ce qui est 190 fois plus que les cartouches de Nintendo 64. Quand même. On voit donc pourquoi Nintendo est passé au format CD, au format DVD. Ils ont vraiment pris beaucoup plus de temps que les autres à passer de la cassette au DVD. Ils aimaient mieux la cassette parce que c'était moins facile à endommager. Oui. C'était plus pour les enfants et les familles, exactement. Ensuite, le bouton I feel lucky. J'ai de la chance. Ouais, sur Google. Sur Google, comme disent les Québécois. Mm-hmm. Sur Google, comme disent les gens qui savent comment prononcer deux O ensemble. Ça, c'est cool, man. Non, c'est cool. C'est cool. C'est cool, man. Je vais sur Google. Je trouve ça cool. Comme ça, je vais savoir où le zoo. Le zoo. C'est les Français qui disent ça, ils ont l'air bizarre. Ouais, donc, le bouton j'ai de la chance sur Google n'est presque jamais utilisé. Par contre, ils ont découvert que les utilisateurs trouvaient ça confortable d'avoir le bouton « J'ai de la chance ». Donc, les gens, les visiteurs ne voulaient pas qu'on l'enlève, même s'ils s'en servent pas. Mais j'ai jamais su à quoi il servait. Ben, il sert à t'amener au résultat le plus connu, le plus probable de ta recherche. Donc, si tu tapes « Assemblage requis », tu fais « J'ai de la chance », tu vas certainement tomber sur la page « assemblagerequis.com ». Ah, mais bon. Mais ça le fait déjà dans Google normal. Ben, c'est le premier résultat, sauf qu'il t'amène directement à la page, sans voir les résultats. On va le tester, juste aller voir sur google.com. J'ai fait google.com, ça marche pas, ça. Ah oh! Assemblage requis. Ah, il y a même... Hein? Oui? Si tu tapes assemblage requis, t'as assemblage requis, c'est fou. Tu te présentes comme recherche, donc les gens cherchent vraiment assemblage requis, c'est fou. Je vais faire j'ai de la chance et en effet, ça amène sur assemblagerequis.com. On est très bon. Et en passant, pour les gens qui se le demandent, qui avaient assemblage requis dans leur signet et que le signet menait vers unechance.com, c'est notre ancienne adresse qu'on traînait depuis 5-6 ans, mais qui, depuis le début de l'assemblage requis à l'automne 2009, était encore utilisée. Donc, aussitôt que t'allais sur assemblagerequis.com, ça te redirigeait par magie sur unechance.com. Donc, il va falloir que vous refassiez vos signets éventuellement parce qu'unechance.com va arrêter de fonctionner bientôt. Mais c'est pas si compliqué que ça, là. Non, c'est vraiment pour les gens qui l'ont dans leur signet. Mais je pense que les signets, étrangement, même si c'est une fonction de base qui est là depuis le début d'Internet, il y a bien des gens qui ne servent même pas des signets. Donc, je penserais pas qu'il y ait de moins en moins, moi, je l'utilise, c'est vrai. Parce que tu sais, tu les accumules. Ouais. Puis là, tu es, oh, ouais, je vais faire deux, trois dossiers. Puis là, finalement, tu garoches ça à droite, à gauche. Mais. Toujours dans cet effet, on continue avec Microsoft qui envoie à Mozilla un gâteau à chaque fois qu'une nouvelle version de Firefox sort. C'est gentil de la part de Microsoft. Et si j'ouvre mon Firefox, je me sers plus de Firefox. J'en ai déjà parlé ici que j'étais rendu un gros fanatique, là, vraiment à outrance de Google Chrome. J'étais Firefox pendant des années. Même j'y croyais tellement que j'étais anti-Google Chrome pendant un bout de temps. Firefox est rendu à la version 17. Ça monte vite, hein? 17 gâteaux. Ça en fait des gâteaux. Oui. Mais bon, toujours en technologie maintenant. Les magasins Apple... j'ai lu à l'envers. C'est pas Apple Stores, c'est Apple Stores. Comme Apple en magazine. Oh. Tout ce que tu dis à Siri sur l'iPhone, tu peux demander des questions à Siri, elle va te répondre, etc. Donc, ils emmagasinent tout ce que tu dis à Siri sur ses serveurs pour une durée de temps indéterminée. Ouais. Mais bon, en même temps. Ils font rien avec ça. Tu peux-tu en dire des niaiseries à Siri? Oh, come on, pour vrai. Siri, éteins cette alarme. Désolé, Jean-Philippe, je ne comprends pas ce que tu dis. Si j'ouvre tous les micros, là. Tu sais, on l'entend encore plus. Attends un peu. Est-ce qu'on lui demande? On va faire deux fois. Attends un peu, si je fais ça, si je tiens mon bouton. OK. Siri, peux-tu éteindre l'alarme, s'il te plaît? Je pense que j'ai entendu toutou, mais avant. Pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Je vais demander d'autres choses de plus simple. Combien il fait dehors, Siri? On n'entend absolument rien de ce qu'elle dit. Non, ça passe assez fort, Siri. C'est un petit peu plat. Siri parle plus fort. En tout cas, c'est pas grave. On va continuer d'entendre l'alarme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toujours dans C'est un fait... et toujours en technologie, Microsoft a commencé à utiliser des noms de code pour les logiciels en développement. Mais en fait, ils ont commencé, c'est fait, ils font ça depuis toujours. Là. Mais pour Windows 7, le nom de code était Vienna. Ça, je savais pas. Vienna. Caramba. la technologie PageRank de Google. Tu connais peut-être la technologie qui assigne une cote à chaque page web. Donc sur Google, chaque page a un PageRank. Mais c'est pas la cote de la page en tant que telle, c'est la cote de page. Qui est un des cofondateurs de Google, Larry Page. Oh! C'est pour ça qu'il s'appelle PageRank et non pas à cause des pages web. Intéressant. Écoutez, encore. Oui, plus de 35 millions d'utilisateurs de Facebook souffrent de ce qu'on appelle le Facebook Addiction Disorder, le désordre de dépendance à Facebook. Le mot « dépendance » en français pour « addiction », à chaque fois, je le cherche vraiment longtemps. Ah oui? Tu sais, quand je veux traduire dans ma tête « My Strange Addiction », il faut que je fasse cette addiction. Addicté, accroché, dépendance. Voilà. En jeu vidéo maintenant, avant que la compagnie Game Freak développe Pokémon, ils avaient fabriqué un jeu qui s'appelait Pulseman. Et l'attaque principale de Pulseman était le Volt Chair, ce qui se traduit, ça veut dire Volt Tackle, donc c'est l'attaque par Volt. C'est le nom d'une attaque communément utilisée aussi dans la série Pokémon. Donc la compagnie a plus tard fait Pokémon. Et le Volt Tackle de Pikachu dans... Smash, Super Smash Brothers Brawl, bref, fonctionne un peu de la même façon que le truc Vaulted Chair de Pulseman. Donc, bref, la même compagnie travaillait sur ce jeu-là avant de travailler sur Pokémon. Bon. Ensuite, dans Super Mario Brothers 3, si tu laisses un chain chomp, tu sais, ça, c'est la bibitte avec des dents qui est attachée à une chaîne. Oui. Si tu laisses mâcher, OK, ou tirer sur sa chaîne 49 fois de suite, au 50e coup, le chain chomp va se séparer du bloc. Il va aller courir. Tu te rappelles peut-être dans le jeu, des fois, on le voyait, je sais pas pourquoi, parce que 49 fois, ça a l'air beaucoup. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, en effet, de voir le Chain Chomp se séparer de son bloc et je me demandais tout le temps pourquoi. C'est après 49 fois. Aha! La preuve sur assemblagerequis.com, il y a une vidéo. C'était voulu. J'aime vraiment ça. Ensuite, la Famicom, qui est la NES des Japonais, la Nintendo Entertainment System, le premier Nintendo. Bref, est rouge et blanc. Parce qu'au moment de la manufacture de la Famicom, les couleurs de plastique rouge et blanc étaient les moins chers à produire. C'est le plastique le plus cheap. Pourquoi pas? Et pour terminer en jeu vidéo, entre 2004 et 2011, la race humaine a collectivement passé 6 millions d'années à jouer à World of Warcraft. Oh! Oh! Hey, hein? Oui. Ouais. Et pour terminer cette première partie du bloc, finalement, les astronautes d'Apollo 8 ont utilisé de la silipotie. Silipotie, c'est comme de l'agent de glu. Ouais. Pour empêcher leurs outils de flotter avec la gravité zéro. Tu sais, la gravité zéro faisait que les outils allaient dans les airs. Ils utilisaient de la genre de pâte à modeler glu un peu, là, silipotie. Je sais même pas si on a ça au Québec, là, mais bref. Ouais. Où est-ce que j'ai vu ça? Dans des petits œufs, ça, hein? Ouais, c'est dans les cocos. Les cocos! Bref. Ouais. Ils utilisaient ça pour empêcher leurs outils de s'envoler. Et en hommage à ces astronautes-là, comment on le fait quand on parle d'espace, là, voici Major Tom. Oh. De Lucien Midnight. Plus de faits juste après. Base de contrôle au Major Tom. Base de contrôle au Major Tom. Prends tes protéines, puis mets ton casque de poêle. Base de contrôle. Major Tom, j'commence le countdown, pace la cloche. CV. Pis tout le monde veut savoir si t'as le goût de sauter. Genre t'as m'appelle à base de contrôle. J'passe au travers de la porte. J'me sens flotter d'une manière un peu fuckée. Les étoiles sont belles, tu sais, j'suis ben basé. Dans une boîte en fer blanc, loin au-dessus de nous autres. La planète Terre est bleue. Qu'est-ce que tu veux que ça me collisse? Je me sens bien en calvaire. Je pense que je vais rester ici pour le restant de ma vie. Dites à ma blonde que je l'aimais en hostie. On retourne à la suite de la chronique. C'est un fait. À Assemblage Rocky, aussi, bon, on parlait d'autres affaires. The Word. Word! Word! Bra, bra. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage requis. On est en onde toute la semaine de relâche alors qu'on continue d'accueillir nos plus fidèles collaborateurs, dont Alexandre Carignan, Kiwan La Liberté, David Ferron, Stéphanie Paradis et le retour de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça, puis ben de la folie! Guili, guili. Assemblage requis demain 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Ouh, il aime ça! Donc, Jean-Philippe Charbonneau, tu nous as trouvé un petit quelque chose là, par rapport à Word pendant la pause. Ben oui, ben en fait, on l'a sûrement déjà tout fait puisque c'était dans les versions antérieures de Word. 2003, 2007. Ouais, tu sais, on sort des chiffres comme ça, mais je pense que c'est exactement ça qu'on disait. C'est les fameuses phrases... comment on pourrait dire genre ça? Automatique. Des formules automatiques. Ouais. Tu pouvais écrire un code, ça apparaissait quelque chose. Mais écoute, ce qui est génial, là, c'est que je suis en train d'en trouver 1 million, là, si ce n'est pas plus. Luc, ce n'est pas plus. C'est ça. Bonne. Ouais. Donc, c'est ça, tout ce que tu as à faire, dans le fond, Mathieu. Ok, je vais te parler de notes. Ouais, ouvre une page Word. Ok. Et puis là, tu pourrais écrire, mettons, égal. Ok. R-A-N-D. C'est un peu plus compliqué que je pensais que ça allait être, là. Attends un peu. Ouais, moi, c'est fait facile, quoi, je fais copier-coller. T'as peur, recommence ça, là. Je te donne ça. C'est ouvert. Okay. Oui, c'est ouvert. Fait que là, tu fais la fonction. Ben, égal. Égal, ouais. R-A-N-D. R-A-N-D, ouais. Ouvre la parenthèse. Okay. Mettons, mais 3. 3. Okay. Ferme la parenthèse. Ouais. Fais Enter. Enter. Ah! Hein? Des choses apparaissent. Il apparaît du texte, mais en anglais, comme pas rapport. Oui, ben, tu vois, là, probablement qu'on a une version assez récente ici. Oui, c'est Word 2007. Il est en anglais, en plus. Mais, en fait, c'était... Comment tu appelles ça, la phrase? The quick brown fox jumped over the lazy dog. C'est un pangramme. Un pangramme. Donc, dans le fond, c'est une phrase... Qui contient toutes les lettres de l'alphabet. 24 lettres. Mais une fois. Une fois chaque. Voilà. Mais donc, celle qui apparaissait en français... En français, c'était « Servez à ce monsieur une bière et des kiwis ». Il y a toutes les lettres sauf... Il y a manque... comme ça, elle brûle pour point. Ah, elle brûle pour point. Mais écoute, c'est ça, tu peux le faire. Puisque tu as une version récente, ouais. Je t'invite à le faire encore. J'espère okay. que tu ouais. vas laisser ouvert. Ben, pas en tout, mais c'est pas grave, je recommence. Ouais. Puisque ouais. les concepteurs y ont pensé. Égal. Ouais. R-A-N-D, encore. Ah. Là, tu vas faire un point. Point. Old. O-L-D. Okay. Ouvre la parenthèse, puis ferme-la tout de suite. Ouais. Tu fais Enter. The Craig Brown Fox. Et voilà. Lazy Dog. The Craig fait que là, si tu t'ennuyais, ils ont quand même fait une fonction old school. C'est fin, hein? Ouais. Et puis, j'en viens d'en découvrir une autre. Ouais. J'ai pas eu le temps de la tester. On peut peut-être la faire ensemble. Ouais. Égal. Mm-hmm. L-O-R-E-M. L-O-R-E-N. Ouais. M comme. Monsieur. Oui. Ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. OK. Fait que là. Ben, pas vrai. Non, mais du lorem ipsum, là, qu'on appelle, c'est du genre de faux latin. C'est pas des vrais mots. Et tu peux, il y a même un site qui s'appelle lipsum.org, si je me rappelle bien, ou .com. Et tu peux lui demander, bon, donne-moi 6 paragraphes, X mots. Et là, ça va te générer un faux texte pour que tu puisses faire des maquettes pour une affiche ou un journal, n'importe quoi. C'est vraiment cool. Et là, je savais pas que c'était dans Word intégré. Et voilà. Fait que trois fonctions assez cocasses. C'est très, très beau, ça. Je vais retrouver là, mon site de lipsum. L-I-P-S-U. M.org, je crois. Et c'est exactement ça. Donc, allez-y, lipsum.com et lipsum.org. L-I-P-S-U-M. Voilà. Merci, Jean-Philippe. Écoute, ça fait plaisir. À ce midi, j'ai mangé de la soupe Lipton. Lipsoup. Tantôt, on était en train de faire une chronique C'est un fait et je pense qu'on devrait y retourner. Donc, voici la deuxième partie de C'est un fait. Et on parle de vedettes, de célébrités pour commencer ce bloc. C'est un fait. Le 28 juin 2009, Stephen Hawking. Tu connais Stephen Hawking? C'est le génie en chaise roulante, là. Oui. C'est pas la seule chose qu'il décrit, mais quand même. Donc, il a fait une fête humoristique pour les gens qui voyagent dans le temps. Okay? Donc, il a annoncé la fête le lendemain de la fête et il dit que personne n'est venu à sa fête le jour avant. C'est quand même très drôle. Donc, les voyageurs dans le temps n'existent pas. C'est vraiment un bon humour. Le gars, il est vraiment drôle. Stephen Hawking, il est génial. Ensuite de ça, pour payer son loyer quand elle était à Hollywood à ses départs, ses débuts, là, Marilyn Monroe posait pour des photographies nues. Elle jouait le rôle de Mona Monroe. Bonjour, c'est Mona Monroe. Mona Monroe. Mona Monroe. Andrew Blythe. Est-ce que tu connais Andrew Blythe? Non. B-L-Y-T-H-E. C'est le vrai nom, le vrai prénom et le vrai deuxième nom de l'actrice Drew Barrymore. Son prénom, Drew, c'est déjà masculin. Son vrai prénom, c'est Andrew Blythe, Barrymore. Triste, hein? Il voulait un garçon. Je pense que oui. Salvador Dali. Tu connais Salvador Dali? Oui. Il est né 9 mois après son plus vieux frère, qui s'appelait aussi Salvador, et qui est décédé. Donc, il est décédé, et 9 mois plus tard, il est né, et on lui a dit qu'il était la réincarnation de son frère. C'est bizarre, hein? Ouais, ça, c'est louche. Jusqu'à ce que l'utilisation, en fait, du caoutchouc soit découverte en 1770, les marques de crayon plomb étaient effacées avec du pain sans croûte. Des petits sandwichs pas de croûte! Je sais pas s'ils mettaient du jambon pis de petite moutarde. C'est bon. Mais bref, avant qu'on utilise du caoutchouc, c'était du pain sans croûte. Bizarre. Le UK Shadow Business Secretary, Chuka Amuna. OK? Donc, c'est son nom, Chuka Amuna. Umuna. C'est l'un des chorales. Des personnes. Comment dire ça en français? Excuse-moi, j'ai de la misère. Mais une personne dans une chorale. Un choriste. Un choriste, peut-être. Hein, qui a chanté la chanson thème de M. Bean. Ah oui. Tu te rappelles, dans M. Bean, il y avait une chorale qui chantait. Là, c'était super. Hein? Oui, oui. Si j'avais été fin, j'aurais pu vous la trouver pour la faire jouer. Ça. Attends que ça te dit quelque chose, ça. Ah, que ça me dit quelque chose. Si tu y penses vraiment fort, là. Tu penses vraiment fort. Ça sent le brûler en studio. Peut-être qu'on pourrait l'entendre. Ah, je l'ai, yeah. Phew. Attention, ça sent bien. Joue-moi pas une pub avant. Ah, oh, ben mon sacripant. Ah, oh, mon sacripant. C'est oh, ben, ce que tu fais? Il est en train de... Ben oui, mais c'est bien qu'il m'écoutera pas. Ah ouais. Quand même. Je suis qui, moi, non? Ah, mm-hmm. Là. C'est ça, là. Ouais, oui. Petite bass. Un chien qui jappe. En effet. Monsieur Bean qui tombe sur le plancher. Oui! Monsieur Bean! Ah, mais pour vrai, je dirais que c'est dans mes séries préférées. Oh. J'adore Monsieur Bean. Quel acteur! Il est génial. Rowan Atkinson est évidemment le nom du gars qui joue Monsieur Bean. Et ici, le gars qui chantait la chanson, c'est Chuka Umuna. Mais oui, est-ce que t'as déjà... Là, on parle en gueule, là. T'as-tu déjà vu sa fille à M. Bean? Non, pour vrai? Oh là là. Oh là là, hein? Oh là là. OK. Parce que, tu sais, M. Bean... a une face particulière, ouais. Mettons, là. Bien à lui. Lily Atkinson, on va aller voir dans les photos. Mais quelle femme! Ah, mais pas pire. Ah, elle est même très belle. Non, pour vrai. Oui, oui, c'est wow, là. Non, mais je sais pas comment il a fait. Je me suis dit que sa femme était vraiment belle, mais pour vrai, bravo. Ouais. Écoute, regarde la troisième en haut, par exemple. Ah, ça, c'est une parodie, come on! C'est très drôle. Je la trouve très bien faite. La parodie est très réussie, mais fiez-vous pas là-dessus, come on! Oh. Donc, elle s'appelle Lily Atkinson. Toujours dans cet fait, le poulet. On se demande tout le temps, et j'ai déjà répondu à cette question-là, mais je me dis, pour ceux qui se le demandent et qui se disent, comment ça fait qu'ils répondent jamais à cette question-là, si le poulet est venu avant l'œuf ou l'œuf avant le poulet? Donc, le poulet est arrivé après l'œuf. Les oiseaux ont évolué de précédents reptiles qui faisaient des œufs. Ah ah ah! La réponse à la question! En même temps, ça enlève toute la magie. Ah! Ouais. J'aurais pu appeler la chronique l'œuf ou la poule ou l'œuf ou l'argent. Ouais. Guy Mongrain ou Jean-Luc Mongrain. Ouais. Les deer, c'est orignal. Hein? Deer. Donc, les mâles orignaux vont souvent, sans faire exprès, se prendre leur corne ensemble. Leur bois. Leur bois ensemble. Et vont être incapables de s'en sortir. Et éventuellement, ils vont mourir de faim. Ça arrive, ça. C'est tellement triste. Mais ben, en même temps, ça doit être drôle. Bah. Tu sais, comme à regarder. On devrait en parler à la chronique UQTR. Oui. Ben oui, tout à fait. Bonne idée. Savoir quoi faire en cas de bataille d'orignaux. Ce qu'on appelle le tooth soap était un précurseur à la pâte à dents moderne. C'était fait à partir de têtes de souris brûlées mélangées avec de la lavande. Imagine, de la lavande dans de la pâte à dents, comment c'est dégueulasse. C'est vrai, mais tu fais pas attention aux têtes de souris brûlées. Ben, moi, j'aime pas la lavande, j'aime vraiment pas la lavande. Ah. En tout cas. Pendant la Grande Dépression, les chaises Lazy Boy étaient vendues sur un système d'échange de troc. Donc, on pouvait changer du charbon, de l'avoine ou même des poulets contre un divan Lazy Boy. Mm-hmm. Pas cher. Pas cher. Nicorette. Tu connais Nicorette pour arrêter de fumer? Ça a été inventé par la marine suédoise pour empêcher les gens qui travaillaient dans les sous-marins de fumer. Oh. Pour les empêcher de fumer, on leur disait « prenez du Nicorette ». Bon. Tout ça, c'est toujours grâce à l'armée. Toujours l'armée. Dans les années 60, les hôtesses de l'air de chez Pan Am, tu connais Pan Am, il y avait une série là-dessus avec Karine Vanasse récemment. Là. Bref, les hôtesses de l'air de Pan Am devaient être au moins de 5 pieds 2 de hauteur, ne devaient pas peser plus de 130 livres et devaient prendre leur retraite avant l'âge de 32 ans. Dans les années 60 chez Pan Am. Aïe, aïe. Ouais. Mais bon, c'est connu, il y avait de jolies jeunes filles chez Pan Am. L'empreinte de nez d'un chien est comme l'empreinte digitale d'une personne. Il n'y en a pas deux pareilles. Les empreintes du nez de chien. Une recherche en 2009, on essayait de trouver le monstre du Loch Ness. Ils n'ont pas réussi. Par contre, les scientifiques ont trouvé 100 000 balles de golf dans l'eau. Le Viagra peut aider à garder les fleurs au frais plus longtemps. Une semaine de plus environ que leur vie normale, si ce n'était pas de Viagra. Je te jure que c'est pour les fleurs. Ouais, c'est pour ça que j'achète ça. Ouais. J'aurais besoin d'une prescription, c'est pour mes fleurs. Comme ça, j'ai Happy One qui fane pas. Les Anglais, à l'origine, utilisaient le carton pour... j'ai oublié de chercher les traductions de celle-là. Je m'excuse, mais c'est pas grave. On va s'essayer ensemble, on va essayer de s'en sortir. Donc, ils utilisaient du carton comme liner pour les chapeaux. Peut-être les chapeaux haute forme. Stovepipe. Qu'est-ce que ça veut dire, stovepipe hat, ça? Peut-être pour les tuyaux dans les foyers. C'est ce que je dirais, moi. Je dirais les tuyaux de foyer. Mais bon, peu importe. Ils utilisaient le carton pour d'autres choses avant de découvrir que c'était bon pour faire des boîtes. Avant qu'ils trouvent la technique de comment plier pour faire une boîte, s'en servir pour faire soit des affaires de fourneau ou soit des affaires de chapeau. En tout cas. Stovepipe hats, là, vous me pardonnerez la boutade. Bon. En Égypte antique, les gens, quand tu dis, jurer sur la Bible. Oui. À l'époque, ils juraient sur de l'ail. Oh. Des gousses d'ail. Ils prêtaient serment sur de l'ail au lieu de la Bible. Je trouve ça déjà plus crédible. Tu comprends le genre? Redondo Beach, en Californie, a adopté le gros ballon Goodyear. Tu sais, comment t'appelles ça, le gros truc Goodyear? Omnikin. Omnikin. Non, le gros ballon là, qui flotte dans les airs. Le dirigeable Goodyear. Colin, qu'on a de la misère avec les traductions aujourd'hui, mais c'est pas grave. On se rend. Donc, le truc Goodyear, en tant que oiseau officiel de la ville, en 1983, ils ont adopté le blimp Goodyear comme oiseau de la ville. C'est quand même bien. À un certain point, la monnaie royale, la US Mint, ceux qui fabriquent l'argent aux États-Unis, dépensait 35 000 $ par année pour mettre en entreposage 122 millions de dollars de pièces de monnaie de 1$. Il y avait une pièce de 1$ aux États-Unis dans le temps, ce qu'on appelait le Susan B. Anthony Dollar Coin. Donc, ça leur coûtait 35 000$ par année pour les entreposer alors qu'ils s'en servaient plus. Oh! Pauvre Susan B. Anthony. Ouais. Il nous en reste deux. En 2008, la compagnie Lil Tykes a vendu 457 000 Cozy Coupes. C'était une sorte de voiture, ce qui a fait que c'était la voiture qui se vendait le plus aux États-Unis. Une voiture pour enfants, Lil Tykes Company. Ah oui! Petite voiture, le Cozy Coupe là, pour les enfants. C'était cute, hein? Et on estime que 95% des souris de laboratoire du monde descendent d'une seule et unique souris qu'on a trouvé dans un laboratoire, c'est le Jackson Laboratory de Bar Harbor dans le Maine. Donc, on estime que 95% des souris viennent de cette souris-là. Ben, ça explique peut-être pourquoi il y a des problèmes. Et voilà. Tu sais, ils sont consanguins. Des jeux à la base. En fait, je pense que c'est pas juste une souris, mais c'est les souris qu'on trouvait au laboratoire Jackson. Mais peu importe, le fait tient pareil. Bon. Voilà pour cette. C'était juste une petite blague. Une petite blague. C'était pour faire une blague. C'était pour sourire. C'était pour sourire. Souris. Oh, c'est bien. Ouais. Ça dilaté la rate. Ah! Je la cherchais. C'est tout pour cet fait pour aujourd'hui. Nous voilà arrivés à bon port. On a réussi. Et on retourne en musique. On s'en va entendre une pièce de East Road que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas entendu. Moi, je l'aime beaucoup. C'est First Morning Light. On écoute ça, puis après ça, mais on va presque se dire au revoir pour cette édition d'Assemblage Rocky. Certes, c'est encore une affaire avec Rate, là. Serrate. Que sera? Sera. Whatever okay, sera, will be, will be. Sera. Ouais, c'est ça. C'était. Ah. C'était la blague que je voulais faire. Pense pas que t'as trouvé une blague là, alors que c'est moi qui l'ai. Oh, je sais pas si t'en étais rendu compte. Credit. And when Une de nos pièces préférées, je pense, l'arrêt du dimanche d'Atomic Baobab. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, hein. C'est quasiment gossant. Ouais. Pro. Je suis comme un chat. Voilà, je l'ai plugué. Ah oui! Sur YouTube. C'est ça, on devrait te poster. On devrait... ça serait vraiment drôle. Faudrait qu'on fasse ça pour vrai. Un jour. Pour vrai, t'es comme notre Jean-Loup. Parce que tu fais n'importe quoi. Oui, voilà. Donc, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Demain, en fait, pas de chroniqueur jusqu'à maintenant. J'essaie d'avoir Alexandra Carignan qui n'est pas venue aujourd'hui. J'essaie de l'avoir pour demain. On va essayer d'avoir une personne par jour. Je sais que mercredi, on a Stéphanie Paradis. Jeudi, peut-être qu'on essaiera d'avoir David Ferron. C'est ce qui s'en vient peut-être. Sinon, ben demain, on aura évidemment nos chroniques maison. On va se farcir la face de, entre autres, Television. Ça, c'est sûr, on l'a fait tout à le mardi. Puis d'autres affaires qu'on verra dans le temps. On va brainstormer ça, là. Pas mal ça. Je trouve qu'on a passé une belle émission quand même. Ben quand même, à travers certains malaises, certaines jokes douteuses, surtout de ma part, on peut dire que, somme toute, l'émission est une réussite. Oui. Un temps soit pis. Elle est vraiment bonne. Pis c'était un running gag d'il y a une heure. Fallait être là, hein? Oui. Mais nous, on sait bien amusé. Ben oui, on peut faire une récapitulation. Veux-tu qu'on crée un autre long malaise? La chanson est finie, c'est le moment. Un long malaise? OK. Beurre. Beurre. Fais-moi une... Oh, ouais, fais-moi une phrase avec beurre pipi. Beurre ton LPP. Beurre ton LPP. Voilà. OK. Bon, mais on se quitte avec Bears of Legend. Beurs. Beurs of Legend. Beurs. Oh, ouais. Hein? Ça va être le titre de l'épisode aussi, je pense. Beurs of Legend. Tantôt, je suis en train de taper des mots qui commençaient par pi, justement. Puis, en fait, il a fallu que je fasse un Pythagore. Théorème de Pythagore. Bye, à demain. Bonjour, des pistaches. Let me be the man that I deserve. Let me pretend. Let me wear my shoes. Let me make some mistakes on the way. Would you let me tell my story? A tower to be tall for one.